Chapitre 3e. Les quelques sympathies conservées jusqu'alors par la jeune fille dans une partie du public furent certainement refroidies par cette déposition de M. David Graham. Kellyd Crawford fut coupable ou non de meurtre. La brutale simplicité avec laquelle elle avait accepté un fiancé infirme mais riche pour le balancer ensuite, lorsqu'il était devenu pauvre, ne pouvait que lui valoir l'animosité unanime. C'était M. Graham aîné qui avait mis la police au courant de la lettre de rupture. Cette information avait aussitôt dirigé les recherches vers Miss Crawford et les preuves ne devaient pas tarder. Ce fut encore une déposition sensationnelle que celle de M. Campbell, bijoutier de la rue Pitt. Il déclara que le 25 octobre, une dame était venue dans son magasin lui offrir en achat une paire de boucles d'oreilles. Ses affaires ayant mal marché depuis quelque temps, il refusa, quoique le prix demandé fût extraordinairement bas, en comparaison de la beauté des pierres. Ce fut même à cause du désir manifesté par cette dame de vendre à tout prix qu'il l'avait regardée avec une attention spéciale. Il était prêt à jurer que l'accusé, la dame, qui avait voulu lui vendre des boucles d'oreilles, ne faisait qu'une seule et même personne. À ce moment, l'accusé parut à tous absolument destiné à finir sur la potence. Elle seule resta calme. Depuis 2 jours, de nombreux témoins déclaraient que le vieux docteur Crawford, en mourant, avait laissé sa fille sans le sou et que celle-ci, orpheline, avait été élevée par ses tantes pour devenir gouvernante. Personne ne lui avait jamais connu de boucle d'oreille en diamant. L'accusation semblait avoir là une base extrêmement solide, mais Sir James Fenwick, qui pendant tout le jour avait semblé se désintéresser de l'audience, se leva, et je vis de suite qu'il allait combattre sérieusement. Exceptionnellement grand et maigre, le nez pareil à un bec, il est vraiment impressionnant quand il entreprend un témoin. Et il entreprit celui-là fortement, je vous assure. En 1 minute, le petit bijoutier, tout à l'heure si solennellement pénétré de son importance, n'existait plus. M. Campbell a-t-il inscrit sur ses livres quelques notes relatives à la visite de cette dame le jour même de cette visite? Non. Le lendemain? Le surlendemain? Non. A-t-il quelques moyens spéciaux de désigner le jour où cette visite eut lieu? Non, mais quel document peut-il produire au sujet de cette visite? M. Campbell n'en offrit aucun. En fait, après environ 20 minutes de contre-interrogatoire, il dut reconnaître n'avoir accordé après tout que peu d'attention à cette dame, et que certainement cette visite ne lui avait nullement fait penser au meurtre de Lady Donaldson, mais qu'ensuite, ayant lu dans les journaux l'arrestation d'une jeune fille, son employé lui, s'était rappelé qu'une personne leur avait offert d'acheter de belles boucles d'oreilles un jour qui devait être le lendemain du meurtre. Des murmures coururent dans l'assemblée. L'avocat avait complètement réussi à discréditer cette déposition. M. Campbell quitta la salle déconcerté et rouge de colère. Sir James Fenwick se rassit, pareil, comme le fit remarquer gaiement un journaliste, un vautour décharné attendant une nouvelle proie. Celle-ci se présenta en la personne de M. McDarlane, l'employé de M. Campbell, qui avait fait à la police la même déclaration que son patron. Le pauvre homme arrivait nullement préparé au piège de l'avocat, et il y tomba la tête la première, il s'empêtra dans ses souvenirs incertains, balbutia, et il quitta la barre sans avoir du tout pu indiquer à quelle date la dame aux boucles d'oreilles s'était présentée au magasin. « À moi ?» continua le bonhomme dans le coin. L'adroit contre-interrogatoire de Sir James Fenwick me semblait très à côté de la question. M. Campbell et son clerc étaient prêts à jurer que la dame aux boucles d'oreilles et l'accusé ne faisaient qu'une. Leur incertitude au sujet de la date, la façon embarrassée dont ils avaient répondu aux questions sarcastiques de l'avocat, ne changeait rien à la conviction qu'ils avaient tout d'abord exprimée. À ce moment, je compris tout le plan de la défense. Quand M. McDarlane, cette seconde victime de la causticité de l'éminent avocat, quitta la barre, je pouvais lire, clair comme dans un livre, toute l'histoire de ce crime. Je voyais les recherches et les erreurs commencées par la police et continuées par le coroner. Sir James Fenwick plaçait un doigt sur chacune, démolissant comme un enfant qui souffle sur un château de cartes tout l'échafaudage établi par l'accusation. En ce qui concerne les dépositions de M. Campbell et McDarlane, la défense produisit différents témoins qui déclaraient que le 25, le lendemain du meurtre, l'accusé se trouvait à Londres et que le jour précédent, la boutique de M. Campbell se trouvait fermée avant l'heure approximative à laquelle Lady Donaldson avait été assassinée. Certainement, le bijoutier, son employé, avait vu quelque autre dame. Leur imagination aidant, cette dame quelconque était devenue l'accusée. Sir James Fenwick se fait remarquer cela avec autant de logique que d'esprit. Puis vint la grande question de temps. David Graham avait été le dernier à voir Lady Donaldson vivante. Il lui parlait encore à 8h30 du soir. Or, deux porteurs de la gare de Calédonie vinrent affirmer que Miss Crawford se trouvait dans une voiture de première classe au train de 9h06, quelques minutes avant le départ. Est-il concevable, donc, arguait Sir James Fenwick, que dans l'espace d'une demi-heure l'accusé, une jeune fille, ait pu, premièrement, pénétrer secrètement dans la maison à une heure où toute la famille et toute la domesticité étaient encore debout, et cela sans attirer l'attention de personne. Deuxièmement, étrangler Lady Donaldson. Troisièmement, forcer le coffre-fort, prendre la fuite avec les bijoux, se rendre à pied, on l'a rencontré, à la gare, qui est fort éloignée, et s'installer dans un compartiment. Même un homme, même un bandit expérimenté, n'eût pu faire cela. Quant à l'engagement rompu, conclut l'éminent avocat en souriant, on peut y voir un certain manque de cœur. Mais le manque de cœur n'est pas, aux yeux de la loi, un crime. D'ailleurs, à l'instant où l'accusé avait écrit cette lettre, elle ignorait absolument la tragédie d'Édimbourg. Elle se trouvait en effet à Londres et les journaux de la capitale racontaient très brièvement le crime. L'accusé les avait à peine parcourus, très occupé qu'il était à faire des achats. Elle ne savait rien de la nouvelle situation de David Graham. Cette rupture d'engagement ne prouvait en aucune façon que Miss Crawford eût tué Lady Donaldson et volé les bijoux. « Il m'est impossible, continua le bonhomme dans le coin, de vous donner une idée même approximative de l'éloquence de l'avocat. Chacun se sentait peu à peu convaincu qu'il n'y avait absolument aucune preuve contre l'accusé. Après 40 minutes de délibération, le jury revint avec un verdict d'acquittement faute de preuves. Certainement. En l'esprit de beaucoup, la conviction demeura que Miss Crawford s'était parfaitement débarrassée de Lady Donaldson pour lui prendre les diamants et que, malgré les contradictions du solennel petit bijoutier, elle était fort bien venue lui offrir d'acheter certains de ses diamants. Mais il n'y avait de cela aucune preuve nette, certaine, le bénéfice du doute lui revenait. Ici, le lecteur est prié de se recueillir et d'essayer de solutionner cette énigme.